t'aime pas. Tu es le seul amour, je t'aimerai toujours. C'est aussi vrai que deux et deux font trois. Romantique et sentimentique, c'est tout à fait moi. Énigmatique et virginique, et personne ne me changera. J'ai été de bonheur, élevé chez mes sœurs. Je n'ai jamais connu mon vice. Et c'est toi le premier qui m'a dévergondé. C'est aussi vrai que 5 et 3 font 6. En mental et sentimentique, c'est tout à fait moi. Énigmatal et virginique, et personne ne me changera. Même si on a dit, venez pour m'épouser, je lui dirai gardez tous vos bateaux. C'est aussi vrai que 20 multiplié par 8 et divisé par 2, ça fait 0. En mental et sentimentique, moi je le resterai toujours. Il n'y a que les mathématiques qui quelquefois me jouent des tours. Je ne sais pas pourquoi tu te méfies de moi. Pourquoi tu crois que je ne t'aime pas? Tu es mon seul amour, je t'aimerai toujours. C'est aussi vrai que 2 et 2 font 3. J'ai été de bonheur, élevé chez mes sœurs. Je n'ai jamais connu le moindre vice. Et c'est toi le premier qui m'a dévergondé. C'est aussi vrai que 4 et 3 font 10.